agence ou sur matmut.fr. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Voilà. Et exceptionnellement, ce matin, ça va être 6h-10h, puisque vous l'avez décidé avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h. Donc je les connais, les auditeurs de Fun Radio. Ils sont capables maintenant, tous les jours, à partir de 8h du matin, de mettre le hashtag Bruno jusqu'à 10h. Moi, vous dites des trucs par hashtag, je fais maintenant. Voilà, ça va être l'année du hashtag, je tiens à vous le dire. Tiens, il y a Valentin qui a appelé. Le 32-28. Salut Valentin, Villiers-sur-Orge. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut. Alors toi, et tu fais partie des petits malins qui ont tweeté avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h. C'est ça. Tu as eu gain de cause. Ouais. T'as fait plaisir, c'est... Valentin. Oh, c'est un kiff. C'est un kiff de vous entendre jusqu'à 10h. Tu fais quoi? C'est vraiment un plaisir. Là, je vais terminer mon contrat. Je suis en vacances. Je vais terminer mon contrat d'apprentissage. Et puis après, je vais bosser sur un projet perso. C'est quoi ton projet? Pour monter une boîte. C'est quoi ton projet perso? C'est un projet pour monter une boîte de domotique qui vend des systèmes domotiques complets. Ah, j'adore la domotique. C'est mon dada. C'est tout genre pour que ta maison elle devienne technologique. Genre, si tu veux avoir un iPad qui contrôle à la fois tes rideaux, ton électricité. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais. Parce que comme ça, quand ton iPad tombe en panne, t'es comme un con devant chez toi, avec les lumières qui clignotent et tes volets qui veulent pas s'ouvrir. C'est un vrai bon délire, ouais, ça, vrai. Vraiment. Ouais, ouais, mais le but du jeu, c'est que ça tombe pas en panne, justement. Ouais, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi, je la connais, l'histoire. Écoute-moi bien, Valentin. Ton volet roulant, qui est synchronisé avec ton iPad, il a une intelligence. Et cette intelligence de volet roulant, il va la partager avec la lampe qui s'allume toute seule. Il va la partager avec le réfrigérateur. Il va la partager avec le four électrique. Et tous ces objets vont se parler entre eux. Et ils deviendront les maîtres du monde. Et tu feras moins le malin quand, d'ici 3 ou 4 ans, en partant de chez toi, ton réfrigérateur te regardera en te disant « Hasta la vista, baby ouais. ». Faut te dire que tu feras moins le malin. Et boum. On reste pour toi jusqu'à 10h, Valentin. Je t'embrasse, mon pote. Merci beaucoup, la famille. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Y a Bastien qui est à Lyon. Bonjour, Bastien. Salut, Bruno. Salut, la famille. Coucou. Salut. Bastien, on va parler avec toi dans quelques secondes sur Fun Radio. Puisque du coup, alors, il devait le passer avant 9h. On n'a pas eu le temps, mais vu qu'on continue... Bah du coup, on prend le temps, puisque ce matin, nous allons relancer avec toi le moment love. Voilà. Bastien, tu as quel âge ? 16 ans. Elle s'appelle comment ? Léa. Léa, elle s'appelle ou elle s'appelait ? Elle s'appelle. Elle s'appelle. Oh, de l'amour d'été qui fonctionne. Never mind, I'll find someone like you. Moi, j'ai envie qu'on parle d'amour d'été. On va en parler avec toi dans quelques secondes, d'accord Bastien ? Y a pas de souci. En direct sur Fun Radio, avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h, on continue ce matin. Et on pousse le son qui va vous faire danser pour cette rentrée sur la première radio dance floor de France. Kung. I'm gonna rock your body, take it next door. Gonna rock your body, don't you didn't know. I'm gonna rock your body, take it next door. Gonna rock your body, don't you know. Don't jusqu'à 10h. Oui, vous l'avez décidé avec Twitter, hashtag Bruno jusqu'à 10h. Ben voilà, c'est Fun Radio et on continue jusqu'à 10h ce matin avec dans quelques secondes du coup la nouvelle parodie de Nicolas le Pervers. Soprano revient avec En Feu. Eh bien, Nicolas Pervers a lancé Je suis en chien. Je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. On vous l'a passé ce matin à 7h15. Vous avez adoré. On regarde vos messages que vous avez balancés là sur Twitter. On va vous la remettre avant 10h du matin. Puisqu'après tout, vous avez décidé qu'on continuait ce matin. On continue pour vous. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Et Bastien nous a appelé ce matin car Bastien voulait partager avec nous un moment love. Bastien. Salut la famille. Oui, bah t'as déjà dit bonjour. Bonjour. Bastien, est-ce que c'est un amour de vacances? On peut dire ça oui, mais après ça peut durer, comme maintenant quoi. D'accord. La joue pas trop facile Bastien, on sait jamais ce qui peut se passer. Bastien, raconte-nous, alors t'étais en vacances où? Dans le sud, à Barcarès. À Barcarès, d'accord. Donc... elle s'appelle Léa. Toi, t'as quel âge? T'as 16 ans, c'est ça? J'ai 16 ans, ouais. Et Léa avait quel âge? 15, et puis elle va avoir 16. Elle va avoir 16. D'accord. Là, vous vous êtes rencontrés comment? Moi, non, les amours de vacances, c'est un vrai délire. Mais attends, c'est magnifique. Tu veux pas demander s'ils ont Ken? On va verra après. Ah, d'accord, ok. Vous vous êtes rencontrés comment? Alors, c'était le dimanche, la deuxième soirée du camping, comme ça. Et puis, j'avais des potes, elle avait des potes, puis on s'est, comme ça, quoi, un groupe d'amis. Ok. Et là, c'est là qu'on peut demander ou pas encore? Non, pas encore. C'est Nicolas le Pervers qui parle. Oui, c'est vaché. Nicolas le Pervers peut passer n'importe quand. Bastien, mais alors explique-moi. Donc, vous y a genre une soirée au camping et vous êtes embrassé? Non, pas la première. La deuxième soirée au camping? La troisième. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que dans les soirées camping, il passe toujours des slows? Ouais, en fin de soirée, c'est la dernière musique. Ça, il faut le savoir. Autant en boîte de nuit, ça n'existe plus. Mais si tu vas en camping, dans le camping, on aime le slow. Ah, c'est clair. Mais oui. Le slow, bien sûr. Mais du coup, ça met la pression parce que tu sais que c'est là la fenêtre pour pécho, quoi. Ah bah, c'est la fenêtre. Avant la fin de la chanson. Hein. La fenêtre de la galoche, hein, on le sait. Hein. Et puis tu comptes parce qu'en général, moi je me souviens des slows, ça n'existe plus depuis 1000 ans, mais moi je me souviens des premières booms que j'ai fait quand j'étais ado, où il y avait encore des slows. Le premier, t'invites la nana à danser, hop, on se regarde, on se tient de loin. Le deuxième, tu te rapproches, il y avait une règle, tu te rapprochais de 15 cm. Le troisième slow, tu commençais à être collé à la nana, mais épaule gauche contre épaule droite. Le quatrième slow, t'étais en face à face. Ouais. Le nez qui touche le nez, mais il se passe rien. Et après, tu savais qu'il y en avait que 6. Et là, le sixième, on était sur de la galoche, mais alors sur de la galoche de compétition. Hein. C'est-à-dire que à un moment, t'avais mal à la langue, mais tu disais voilà, il faut que j'optimise. Moi, je savais jamais combien de tours fallait tourner la langue d'un côté avant de la tourner de l'autre. Bien sûr, mais déjà, de quel côté fallait partir? Ah ouais, des fois, t'avais la bouche sèche. Les deux langues étaient sèches comme des pierres. Ça aurait pu faire du feu en se frottant comme des sièges. Moi, ça m'est arrivé au début, quand tu commences, tu vois, c'est comme le vélo. Moi, je tourne à droite. Ouais. Normalement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, et je suis tombé sur une meuf qui faisait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Ah oui, t'es perdu. Ah ben là, à un moment, je me suis dit, donc, il faut savoir ce que tu veux. Soit t'avances, soit. Enfin, bon, bref. J'étais tombé sur une meuf qui respirait par la bouche. Du coup, je prenais tout son air dans ma bouche. Mais ça gonflait, t'es où tes joues? Non, parce que j'aspirais son air, du coup, pour pas que ça me gêne. Mais c'est dégueulasse, ça. Et j'aspirais son haleine. Quoi? Mais oui, mais parce qu'elle devait avoir le nez bouché ou je sais pas quoi. Ouais. Mais attends, en même temps, on avait 9 ans. Et donc, toutes les 5 minutes, c'était. Non mais elle a dû me donner beaucoup d'air. Ouais. Bastien, est-ce que à la finalité vous avez fait crac-crac ou pas? Non. Mais tout ça pour ça, mais elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Alors, il faut y aller de plus en plus tôt, sinon c'est comme le ski. Si t'apprends pas quand t'es petit, tu sauras jamais faire quand tu seras grand. Mais n'importe quoi, vacher à 15 ans, un bisou, ça vaut n'importe quel coup de quéquette. Et puis surtout, tu as raison. Moi, j'ai eu un amour de vacances comme ça. On s'était juste pécho, s'était rien passé. Et c'est la bonne excuse pour se revoir et faire durer l'histoire, en fait. Ah. Voilà, du coup, t'as une bonne raison de te revoir. Ah, souvenez-vous. Plein de chagrin. Calme-toi, arrête de chanter. Moi, j'ai des souvenirs. Parce que c'est toujours pareil, tu sais, tu l'embrasses, hop, c'est génial, c'est la femme de ta vie. Et puis tes parents ont rempli le coffre de la voiture, ils ont attaché la dernière valise sur la galerie. La toile de tente est rangée bien au fond du coffre. Et puis toi, tu es avec cette Cindy qui habite à l'autre bout du monde. Moi, je me souviens, j'étais en vacances dans l'île d'Oléron et elle habitait à Lourdes. C'est loin, Lourdes, par rapport à l'île d'Oléron, quand t'as 14 ans. Et puis, on s'est abracé. Et puis, la voiture est partie. La 206 Peugeot, je crois. C'était une 205, je sais plus. Enfin, 206, non, c'est 305. Oui, c'est 305, ça se tient. Avec les sièges en sky qui te brûlent le cul. Et ton père qui te dit, allez hop, si on roule bien, normalement, on sera à la maison dans moins de 2 heures. Et tu la vois, Cindy. Cindy, si tu m'entends. Putain. Il paraît qu'à Lourdes, on l'a vu apparaître en bas d'un rocher. Et elle est tombée enceinte. Elle a jamais dit que c'était Bruno. Elle a dit, non, non, c'est un bébé qui est venu tout seul dans mon ventre. Un charpentier qui a fait des trucs de ouf après. On te fait des bisous, Bastien. Merci d'avoir appelé, mon pote. Bon, tiens, il y a la parodie de Nicole Pervers qui va arriver. Pour l'instant, le nouveau Justin Bieber avec Major Lazer. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Et Justin Bieber sur Fun Radio Coldwater. Vous restez ici dans quelques secondes. Nous allons revenir sur Fun Radio. Il y a Elliot qui est venu me voir à Fort Boyard. On va en parler dans 5 minutes, faut que j'aille faire caca. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Et ce matin, exceptionnellement, jusqu'à 10h, voilà, c'est le jour de notre rentrée. On était chaud bouillant, puis vous l'avez décidé avec le hashtag Bruno jusqu'à 10h. C'est les auditeurs de Fun Radio qui ont lancé ça tout à l'heure vers, je sais plus, 8h30. Oui. Et à 9h10, on a dit si vous mettez ça en top tweet France avant 9h10, on continue. On est arrivé en top 5, je crois, avec Bruno jusqu'à 10h. Donc on pousse, voilà. Par contre, je vois des petits malins qui sont en train de lancer le Bruno jusqu'à midi, hashtag Bruno jusqu'à midi, et d'autres qui disent hashtag Bruno le samedi. Et dis donc. Et les gars, et bijoux. Alors oui, cette année, c'est l'année des auditeurs encore plus que les années précédentes, mais enfin, à un moment, il faut qu'on dorme. Il faut que les personnes se reposent. Et dites donc, c'est que ces conneries, il faut du temps pour les trouver quand même. Dans quelques secondes, Nicole Pervers. Parodie de Soprano. T'es devenu Je suis en chien. Si vous l'avez pas entendu, on l'a passé ce matin vers 7h15. On va la remettre tout à l'heure. Nico, est-ce que t'es prêt? Je suis hyper prêt. J'ai passé un super été. Vous m'avez manqué. Je suis allé à la plage. J'ai fait des trous dans le sable. J'ai mis mon ski, oui. C'est une technique que je vous apprendrai. Elle passe par un trou et ressort par l'autre. Ça fait comme un petit serpent qui sort. Ça fait rire les gens. Oh, des serpents! Oh, Père Fouras! Moi, j'aime bien les serpents! Hey, Père Fouras, t'as quel âge? Moi! Bon, en fait, j'ai 23 ans, mais je mets une perruque et des En trucs. Fait, t'as une culotte sous ta robe ou pas, Père Fouras? La rencontre improbable. C'est clair. La vraie rencontre, ça a aidé avec Elliot. Alors, Elliot, vous avez droit à un coup final. Final, on ne sait jamais. Vous pouvez le rater. À vous, Elliot. Boum! Bon, donc ça s'est joué à un cheveu. Elliot, ça c'était dans la salle. C'était avec les maîtres du temps quand je les ai rencontrés avec le jeu du marteau. Alors là, il est connu, c'est, tu sais, quand tu dois mettre un coup chacun. Sur le clou, ouais. Pour l'enfoncer. C'était assez dommage. Et franchement, moi je trouve que tu t'es bien démerdé, Elliot. J'étais fière de toi en regardant. Les gars, et heureusement, alors. Non, et attends, j'allais venir quand même. Et heureusement que tu étais là, Bruno. Parce que franchement, c'est toi qui as réussi quasi toutes les épreuves. On a fait Fort Boyard avec Elliot. Ça a été diffusé il y a quoi? Il y a 3 semaines sur France 2. Ouais. Ça a bien marché d'ailleurs. Ça a été un quart d'eau d'audience. Merci à la famille d'avoir regardé. Elliot, ça a bien démarré. La première épreuve qu'on a fait tous les deux avec Elliot, il fallait faire un poème en tenant une grenouille horrible entre les mains. Et avec Francis Lalanne. Et donc il y a eu un petit souci avec la grenouille et Elliot. La grenouille a uriné sur la personne. Oui, je sais pas ce que je lui ai fait. Mais... Elliot, la grenouille t'a pissé dessus. Oui. Pourquoi elle m'a pissé dessus? Vous pensez qu'elle a senti une odeur comme si elle était dans son terrier ou un truc comme ça? Je sais pas, mais tu t'es lâché après dans quand même. Dans son hein terrier, mais tu sais comment ça vit une grenouille ou pas? Non. Dans un terrier. Ah ouais. C'est dans l'eau. Ouais, dans un terrier. Et le renard, il vit sur un nénuphar. Ouais, toujours. Avec un lapin. Il galère d'ailleurs, le pauvre. Il se noie souvent. Et donc ça, c'était Elliot au début. Et après, il a été chez la Dame Blanche. Vous savez, c'est la sorcière blanche qu'il y a dans Fort Boyard. Bonjour. Bonsoir, Elliot. Bonsoir. Il paraît que vous vouliez me rencontrer. Oui. Je peux vous approcher? Bien sûr. Pour vous faire un bisou? Ah, carrément. J'espère que vous n'allez pas le regretter. J'espère aussi. Franchement, on peut réécouter ce son et imaginer que c'est un film érotique d'M6. Je vous jure, vas-y, ça marche. Viens, on essaie. Bonsoir, Elliot. Bonsoir. Il paraît que vous vouliez me rencontrer. Oui. Je peux vous approcher? Bien sûr. Pour faire un bisou? Ah, carrément. On dirait pas le vieux film porno pourri. Le mec lui a demandé son 06 pendant l'émission. Ouais, c'est vrai. Et donc, alors ça, on était à quoi? Ça faisait quoi? L'émission avait commencé depuis un quart d'heure. C'est ça. Et donc, il devait faire un truc avec une boule. Tu devais rentrer une boule dans un V. On va résumer l'épreuve. Il fallait souffler avec la bouche. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé ça. Mister Boo, s'il vous plaît. Oh non. Veuillez conduire notre ami dans ses nouveaux appartements. Bonjour, monsieur. Oui, on a les mêmes muscles, je vois ça. Je peux avoir votre numéro de téléphone, au moins? Non? 06? Elliot est fait prisonnier. Et alors, l'émission a continué. L'émission a continué pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Ce qui est bien en tout cas, c'est que je suis prisonnier quand même, donc je fais perdre l'équipe et j'en ai rien à foutre, je veux juste le 06 de Blanche. Il y a que ça qui m'intéresse. Au bout de 3 quarts d'heure, il y a cette question qui se pose avec Olivier Mine. Où il est notre Elliot? Parce que moi je suis venu être une personne. C'est vrai. J'ai rêvé de faire Fort Boyard. À un moment, ce serait bien qu'il se passe quelque chose. Où est Elliot? Eh bien, il est en prison. Le voici, regarde. Je suis là. Elliot était en prison. Et donc, à la fin de l'émission, il fallait le sortir de la prison. Et normalement, il y a une épreuve qui est simple pour sortir de la prison. Et comment vous dire? J'ai cru que Elliot ne sortirait jamais. Il s'est râpé les genoux, etc. C'était terrible. Je crois que j'ai failli décéder de rire. C'est pas bien, mais j'ai failli décéder de rire. Et t'as galéré comme jamais. Bah, en fait, ouais, il y avait un tapis qui était en sens inverse, et donc je vais pour sauter, m'agripper pour m'enlever de ce tapis, et en fait, j'arrive pas à m'agripper au mur, je suis trop court, et donc je retombe, le tapis m'emmène, mais m'enlève mes genouillères, et donc après, les genoux étaient sur le tapis, et j'avais mal, mais bon, j'ai continué, quoi, pour l'équipe, quoi. En tout cas, sachez que voilà, on a réussi, on a gagné de l'argent, plus de 10 000 euros pour une association qui me tient à cœur, c'est Tout le monde contre le cancer. Et puis, je résumerai, comme d'habitude, hein, quand je passe dans Fort Boyard, ma prestation a un son. Non. Mais si, bien sûr que si, non, mais si, ils si, bah ben si. N'y pense pas, ils sont là. Non. Ah, c'est les serpents. Encore, les serpents, t'as toujours crié. Peur. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont fait signe sur Twitter en disant, est-ce que t'étais un peu énervé à un moment par rapport à Evangélie et par rapport à Gisèle? Non. Non, c'est par rapport à Evangélie, un peu quand même. Non, j'aurais pu l'acheter du fort à un moment. Ça, ouais. Sur le coup de l'émotion, mais ouais. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que même les serpents, ils avaient peur d'elle. Bon, les amis, 9h48. Exceptionnellement, ce matin, nous poussons l'émission jusqu'à 10h. C'est l'occasion peut-être pour vous de découvrir Bruno dans la radio, que vous ne connaissez pas, et de vous donner un nouveau réflexe que vous aurez demain dès 6h du matin pour venir ici, parce que entre 6h et 9h, il s'en passe des choses. Par exemple, ce matin, si vous n'étiez pas là, à 7h15. Ce matin, nous avons eu la toute nouvelle chanson de Nicolas le Pervers. Après, c'était un an et demi en prison à peu près, hein, Nicolas. On peut pas dire que c'était de la prison, c'était plus un endroit au calme pour me calmer dans lequel j'étais contraint et forcé. Il se trouve que j'ai réussi à coincer mon sbobibou entre les barreaux de la cellule, ce qui m'a fait tenir. C'est ça qui m'a fait tenir. Voilà. Et je les ai sciés. Et oui, personne s'y attendait. Alors... avec ma tête. Je me suis enfui. Qui aurait cru? J'ai tellement frotté, ils avaient jamais vu ça. J'ai fait fondre du métal, les frères. Nicole Pervers, on lui devait déjà. Oh putain! Montre-moi tes nénés. Ce soir, Nicolas va les toucher. Qui était déjà une reprise de Soprano. Soprano, il est revenu cet été avec un nouveau hit Fun Radio. Vous avez découvert chez nous. Qui s'appelle En Feu. Et donc on a la version de Nicole Pervers. En Feu est devenu En Chien. Oh oui. Attention musique. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille. Je suis un chien. Ce soir j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis. Je suis un chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kiki. Je suis un chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis un chien. Ce soir j'ai la tour de Pise plus redressée que jamais. Je suis un chien. Comme Renaud Laville et Nîmes, ma perche, je veux la planter. Je suis un chien. Houston, soyez prêts, boum, ma fusée décolle. Je suis un chien. Mon seul but dans la vie c'est Ken et ce depuis l'école. Je suis un chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Ok, un point pour Soprano, zéro pour Nico. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis un chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis un chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis un chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis un chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. En clair, je recherche un huc, un boule pour le manger, lui mettre des claques. Je suis un chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Yeah, même mon chien il est un chien. Ça sent la ken, ça sent la ken. Appelle tes copines, je suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken, appelle tes copines, je suis chaud. Le jour de la ken c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant. Appelle tes copines, je suis chaud. Même leurs grands-parents, je suis chaud. je suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur, si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Chien. Nouvelle parodie, Nicole Pervers et Je suis en chien. Faudrait qu'on essaye d'appeler Soprano cette semaine quand même pour savoir ce qu'il en pense. Parce qu'à chaque fois, il est un peu énervé, le pote Sopra. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que je suis un peu le nouveau Cabrel. Voilà. Je trouve les rimes, la mélodie. Les gens chanteront ça dans les écoles plus tard. La vraie tannée, c'est que mon fils Anatole, que j'ai appelé tout à l'heure, c'était sa rentrée. Lui, il rentre aujourd'hui en même temps que son père. Me demandez pas pourquoi, il a une école qui est ouverte aujourd'hui. On a écouté la chanson parce qu'on l'a depuis la semaine dernière et donc je l'ai fait écouter à mon fils, tu vois, pour voir si c'était diffusable à l'antenne. Il a 7 ans et demi et donc mon fils depuis un peu plus de 48 heures ne chante pas je suis Jean Chien, il chante je suis Gaston, qui est le nom de mon chien. Mais en fait il comprend que les paroles c'est je suis un chien. Et il a pas compris toutes les vannes, toutes les allusions. Mais tu vois. Tant mieux. Ouais, je te confirme. Ouais, donc quand il dit ouais, je veux montrer mes chouquettes. Ouais, d'accord. Lui, il pense au boulanger. Il a raison d'ailleurs. J'ose espérer que sa maîtresse pense la même chose. Sinon, je peux être convoqué dans la semaine. Hein. Vraiment. C'est le nouveau Martin Garrix. In the name of love, première diffusion en Europe, c'était ici, c'était sur Fun Radio. Ça arrive là dans quelques secondes, mais pour l'instant, et vu qu'on fait des heures sup, eux aussi, un nouveau JPI, et attention, exclusif, pas une rediff de celui de 6h50, vous croyez quoi ? C'est le journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite, cette fois c'est la vraie, hein, la vraie dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui c'est la Saint-Sabine. Ah, mais c'est marrant ça, ma tante s'appelle Sabine. On s'en fout. Ah ok. Et pour commencer, Bolivie. En Bolivie, un ministre a été séquestré et battu à mort après être venu négocier avec des mineurs en grève. Si vous voulez mon avis, les grévistes d'Air France à côté, c'est vraiment des petites bites. Événement, jeudi, ce sera la rentrée scolaire et comme chaque année, les profs de maths demanderont d'acheter 100 feuilles de papier millimétrées pour n'en utiliser que 2 dans l'année. C'est donc la dernière ligne droite pour les achats de fournitures scolaires. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Oui, tout à fait, j'ai tout ce qu'il me faut. La trousse Hello Kitty, les crayons de couleur La Reine des Neiges, un cahier de texte Chica Vampiro et un cartable Pokémon. Ah, bah je vois que vous avez tout pour la rentrée de votre fils, Anthony. Ah non, c'est pour moi, pourquoi ? Alors, non, pour rien, Anthony, pour rien. La suite. Et pour finir, si vous aimez la télé-réalité et les rideaux électriques, regardez Secret Store. Ah. Voilà. À demain. Voilà, ça marche pas avec Secret Rideau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, il y a quoi ? Il y a 5 minutes, je disais, peut-être qu'il y a des gens qui, pour la première fois, nous entendent parce qu'ils se réveillent après 9h et ils vont se dire tiens, je vais écouter cette radio entre 6h et 9h parce qu'en fait, c'est drôle. Et là, en fait, ils se redisent ouais, ben non, en fait. Non, mauvaise idée. Le nouveau Martin Garrix, il est déjà sur Fun Radio. In the name of love. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of we could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all oh. testify, screaming the holy lie. You bring testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of love. Martin Garrix, c'est nouveau In the Name of Love, à l'instant sur Fun Radio. C'est mon titre préféré de la planète, du monde entier, de la terre entière. Bon, et les amis, c'est le moment de dire au revoir. On a poussé l'émission un peu plus ce matin, c'était la première. Oui, mais on était content d'être là. Eh bien, bien sûr. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là, bien évidemment. Et je voudrais que nous saluions nos nouveaux auditeurs ce matin et toute la Belgique qui nous a écoutés pour la première fois. On vous fait des bisous et on reviendra également chez vous demain à partir de 6h. Est-ce qu'on dirait pas au revoir aux Belges ? Au revoir, au revoir les Belges. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais on reste là pour les Français. Oui, c'est un petit peu. C'est ridicule. J'avoue que c'est le premier jour de la diffusion en Belgique. On n'est pas encore complètement au point sur la façon dont on doit leur rendre l'antenne. On est enfin entre nous alors. Ça voilà. Dit, c'est bon. Ouais. Ah bah, moi je croyais qu'il y avait genre une pub qui partait. Non. On dit au revoir les Belges comme voilà. Ça. Eux ils se disent ah l'émission non. Est finie. Mais non. Et après dès qu'ils sont partis on fait au fait. Je vous donne la tambouille interne. Ouais. C'est-à-dire que là hop les Belges ont leur programme en Belgique. D'accord. Et là on revient que 100% en France. Donc si j'avais accueilli Mika avant, c'était ridicule parce que Mika m'aurait dit bonjour. Et après, bonjour. Comment s'appelle l'animateur sur Fun Radio en Belgique? Il s'appelle Lloyd. Lloyd. Oh. Ok, excuse me. Alors, il y a Lloyd. Hello, it's Lloyd in Belgium. C'est quoi? Et ça, des fois, je regrette qu'on soit pas en Belgique toute la journée. Alors, Lloyd. Ensuite, entre midi et 16h, c'est Brian. Yeah. 16h, 19h. Hi, this is Kevin on Fun Radio Belgium. Et à partir de 19h, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Teddy. Ah. Hi, this is Teddy. Comment ça va, Mika? Ça va, les amis, ça va très très bien. Bon, par contre, par rapport au fait que vous ayez duré une heure en plus, j'en profite que mon boss soit là. S'il peut ne pas me retirer une heure de salaire. Te casse pas, mec, c'est déjà fait. Ouais. Ah. Écoute, tant pis. Faut payer, faut payer tout le monde. Bon, vous allez bien et vous êtes beau. Hein. Je trouve que vous êtes tous bronzés. Oh, vous êtes, merci. Ça me fait plaisir de vous mais voir. Mais toi, pas trop. T'es pas très bronzé. Ah, bah, soyez écoute... beau. Toi, pas trop. Disons que tes parents, ils devaient. Ça se trouve, ils sont beaux, mais ils allaient pas bien ensemble et du coup, ça fait un plus un animal qu'un humain. C'est vrai que je l'ai pris comme ça. S'il n'y a pas de malaise, Christina, c'est pas. Les amis, je t'en veux pas. Nous reviendrons demain à partir de 6h. Nouvelle émission demain, voilà, c'est votre réflexe. C'est Bruno dans la radio, le hashtag Bruno Fun Radio tous les jours. On vous fait des bisous, on est là sur les réseaux sociaux. Alors, on va être à fond Snapchat cette année. Moi, je tiens à vous dire que depuis cet été, je suis Snapchat à fond. Oui. Mon Snapchat perso, c'est Bruno Guillon Off. GUI2LONO2F. Ok. Et comme ça, vous vivez un peu ma vie perso. On le fait au quotidien. Il y a le Snapchat de l'émission Bruno Fun Radio. Et puis, il y a le Snapchat de toute l'équipe. On va vous mettre les adresses là sur la page Facebook. Pour finir l'émission, le mot de la fin, ce sera avec Lucas, Sébastien, Joseph, Jean-Louis, Stéphane, Paul, allez. Le patron de Fun Radio. Un petit mot avant de partir, Lucas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous aussi. Oui. Déjà, c'est la première chose. Ouais. Bruno, je voudrais voir ta marque du maillot. Mais tu sais quoi? Mais tu veux nous le mettre énervé? Pas du maillot. Il n'est pas parti en vacances. Bah, je sais, c'est pour ça. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'étais surpris que vous fassiez une heure de plus. Je demanderai à Tristan de peut-être vous primer ou quelque chose comme ça. De rajouter un petit truc sur le salaire. Tu penses que c'est le bon moment pour parler des primes? Bah oui. Et en tout cas, c'est bien, j'ai retrouvé mes habitudes, vous êtes dans ma radio, bravo. Lucas, on t'a posé juste une question. Ouais, et on est. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, parce que moi aussi, mon snap c'est Seb. Oh. impossible. On t'a coupé, laisse tomber. On l'a coupé. De toute façon, c'est lui le patron, il peut pas s'auto-virer, donc en vrai, il peut faire ce qu'il veut. Non, mais c'est vrai que si vous allez voir le Snapchat de Sébastien Joseph, je peux vous dire que c'est chaud. Hein, vraiment. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il n'y a pas beaucoup d'habits chez les Joseph, apparemment. Non. Marché léger. Enfin bon, Tamounou, regarde pas. Mika vous accompagne jusqu'à midi. On revient demain Bisous les fionfions, à demain. Bisous. Moi je trouve que ça nous regarde un peu parce qu'on l'a tous vu quand même sa photo en vacances où il est presque à poil. Ouais. Pas bon. Voici Tal pour attaquer le 10h midi du coup sur Fun Radio. Je t'adore Lucas, c'est bien. Bisous la famille. Bisous. Ciao. Let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, pick it up, be on my way. 'Cause I'm motivated, dedicated. Some new event.